ユッフィさん。 Raconte, en vrai si tu bétons c'est que t'es con. La prison ça rend pas plus fort, ça fait perdre des thunes et beaucoup de temps. Faut pas que tu fasses la meute, quitte à prendre des coups, faut que tu fonces dans le tas. J'ai pris l'habitude de me lever tôt et je vais placer des guetteurs sur le toit. Devant le 9M tu changes de ton, elle m'envoie sa schneck et c'est tout. J'ai compris que je dois plus perdre de temps, je braque, je ramasse et je me casse aussitôt. On est plus des tétards, tu t'enflammes mon tétard. Pour vous j'ai pas le bon temps, mais c'est les blagues qu'elles kiffent cette grosse timbre. N'existe pas l'argent facile, y'a les poucs avec les coches pour signer saisi. J'ai des robes qui tombent pour 6 ans, y'en a d'autres qui t'ai pris la peur au ciseau. A toutes les bagarres moi j'ai assisté, je nargue mes ennemis en les insultant. Et moi c'est l'argent qui m'a incité à revendre mes stupéfiants sans hésiter. Qu'on balade du 7, j'suis toujours dans le même bec. Gamma V, attention, mélange pas le business et tes frères. Pour l'instant tout va bien moi, les miens sont toujours à l'. C'est moi qui ravitaille, c'est moi qui dois détailler. A l'argent je me suis attaché, excité quand je suis devant sa chatte. Et les keufs commencent à me faire chier, à venir tous les jours juste pour jouer à chat. La vie de charbon des fois c'est chiant, une petite dette peut coûter cher. Mes robes deviennent de plus en plus méchants, depuis tout petit c'est l'argent qu'on chez cher. Et regarde mon chichon, ouvre le sévère comme des pistaches. Tu payes si tu touches, ou ton chichon sera rempli de tâches. Si t'es avec moi tiens, sinon trace ton chemin. Vrai reconnaissent vrai, je suis toujours avec les mêmes. Et maintenant j'ai un peu de succès, j'en connais plus d'autres qui voudraient me sucer. Elle tourne mon regard un peu persistant, mais je veux qu'elle se retourne, c'est son cul que je veux mater. A fond dans l'auto, je passe pas les rapports, c'est qu'on balade des guiches, je suis des rappeurs. A chaque nouveau texte, à chaque fois plus fort, les plus grands sont fiers.